15 à 19 cet après-midi, 24 à 28 en Méditerranée. Ces journaux ont été préparés avec Julien Loquet et Nicolas Pommet. Prochain rendez-vous avec l'information à 12h30, le journal de Thomas Cluzel. En attendant, excellente journée à l'écoute de France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture. Que faire quand on a un père officier et qu'on a été élevé dans la rigueur d'un pensionnat catholique? Finir fou ou devenir folle? Rupert Everett. J'ai décidé que j'étais pas le fils de ma mère et mon père, mais j'étais la fille de Julie Andrews et que Julie Andrews était trop busy pour s'occuper de moi. Révélé en 1984 dans le film Another Country, l'acteur britannique a été un des premiers à assumer son homosexualité dans le monde du cinéma. À voix nue, Rupert Everett par Philippe Bresson, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture, France Culture .fr et l'appli Radio France. Le Covid-19 peut présenter des risques graves pour les femmes enceintes. Il multiplie leur risque d'être admise en soins intensifs ou de donner naissance à un grand prématuré. C'est pourquoi la vaccination contre le Covid-19 est recommandée dès le début de la grossesse pour se protéger et protéger son enfant. N'attendez pas. Parlez-en avec un professionnel de santé ou prenez rendez-vous sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Il est 9h06, vous êtes sur France Culture. Il est temps de retrouver le cours de l'histoire avec vous, Xavier Mauduit. Bonjour. Bonjour Anne Lorchouin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Les législatives sont en train de se préparer tranquillement. Les élections, c'est en juin. Mais dans le panorama politique, nous assistons à un redéploiement complet des différents partis. D'ailleurs, les partis existent-ils encore? La question que nous nous posons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est à quel moment naissent les partis politiques? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ça ira, club et société populaire. Dans l'effervescence de la Révolution française, peut-on dire que naissent les partis politiques? Oui, pour qu'il y ait parti, il faut une communauté d'idées, des gens qui se retrouvent, qui discutent. Il faut une organisation aussi. Allez, c'est parti, la Révolution prend parti. Annie Duprat, bonjour. Bonjour. Je vous pose la question tout de go. Peut-on dire que les partis politiques naissent sous la Révolution française? Alors, c'est, dirons-nous, la vulgate. C'est se dire il y a des endroits où les gens se sont réunis, discutent d'affaires politiques, mais ils discutent aussi de énormément d'autres histoires parce qu'il y a énormément de sociétés populaires, clubs, réunions dans toute la France. Les chiffres, évidemment, sont difficiles à établir, mais il y a quand même eu la grande enquête faite par Boutier et Boutry dans les années 1980 qui a conduit à l'Atlas de la Révolution française, qui fait vraiment le point sur tout ça. Et Boutier et Boutry donnent des chiffres, bon, ça tourne autour de 6000, 7000. Donc il n'y a pas 6000, 7000 partis, mais il y a des lieux où l'on échange. Et on échange sur ce qui se passe, mais pas seulement ce qui se passe du point de vue politique, également la vie quotidienne. C'est en cela que c'est très très intéressant votre sujet. Et cette période de la Révolution française est une période d'effervescence, mais la question se pose toujours du avant, parce que bien sûr, il se passe quelque chose pendant la Révolution avec ces associations, ces gens qui se rencontrent. Annie Duprat, auparavant, existait-il quelque chose, l'amorce de ce phénomène? Oui, et il y a, alors bien sûr, on le sait, les salons, les loges maçonniques, les associations du genre la Société des Amis des Noirs, où d'ailleurs beaucoup de nos grands révolutionnaires vont participer à cette société. Il y a une sociabilité en France qui est quand même assez ancienne, je pense, qui porte des noms. Je pense au Jardin de Laval, par exemple. C'est très très joli comme nom. Et voilà, donc ça existe avant. Et je pense très précisément au salon de Madame Danville, où se débattaient des idées politiques qui vont être celles des Jacobins après. Si j'y pense, c'est parce que Marc-Antoine Julien père, hein, député de la Drôme, était précepteur des enfants de Madame d'Anville, et donc il avait déjà bien discuté de tout ça avant la Révolution. Oui, voilà, c'est ce avant la Révolution qui est aussi intéressant, parce que tout ne naît pas de rien. Non, mais il faut le souligner sans cesse. Bonjour Jean-Clément Martin. Bonjour Xavier Mauduit. Nous pensons aujourd'hui aux partis politiques et qui naissent, c'est vrai, on peut le dire, en partie sous la Révolution, mais il y a ces amorces. Et du point de vue politique, Annie Duprat nous évoquait ces salons, toutes ces formes de réunions. C'est vraiment ici que nous avons un terreau. C'est simplement l'envie ou l'habitude ou la possibilité d'échanger, d'évoquer, d'échanger des idées politiques. Oui, mais je dirais que il y a quand même malgré tout la Révolution introduit une mutation, une rupture fondamentale, sans pour autant que il y ait la naissance des partis comme on l'entend aujourd'hui. Bon, Annie Duprat rappelait, elle avait tout à fait raison que la Vulgate le dit, mais le rappelle aussi que les partis sont considérés comme étant formés véritablement en France seulement à la fin du 19e siècle, parce qu'il faut qu'il y ait une unité politique, il faut qu'il y ait un lien entre l'ensemble des personnes, des militants, avec ceux qui dirigent le parti et la représentation parlementaire. Et là, dans la Révolution, on en est vraiment très très loin. On est à quelque chose qui est, moi je dirais plutôt, une exploration des différentes formes d'intervention sociale et politique. Et Jean-Clément Martin, vous avez raison de le dire dès maintenant, le parti politique tel que nous l'entendons aujourd'hui, c'est vraiment toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle même. C'est la loi des associations de 1901. Pour la Révolution française, tout cela se joue sur une très fine chronologie, parce que les événements vont très vite, et vous l'avez évoqué, vous avez utilisé ce mot, ce monde parlementaire. C'est ça aussi une des spécificités de la Révolution, c'est la démocratie, c'est la prise de parole à l'Assemblée. Ce contexte-là, eh bien, fait évoluer les... Alors, j'utilise le mot parti parce qu'il faut bien utiliser un mot, mais fait évoluer tous ces clubs, tous ces cercles, toutes ces associations. Est-ce que je peux vous proposer très rapidement une espèce de fil rouge pour essayer de démêler un peu sur les, je dirais, les quatre années initiales de la Révolution? Avec un immense plaisir, allez-y. Bon, j'essaie. Alors, et il y aura évidemment des oublis, mais il me semble qu'il faut avoir dans l'idée que sur ce qui existait déjà, naît quelque chose de tout à fait nouveau à partir de l'été 1789, les révolutions municipales, comme on dit, c'est-à-dire la naissance de comités dans presque toutes les communes de France. Ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Des comités différents des municipalités qui s'appuient souvent sur les assemblées d'électeurs, ces électeurs pour les états généraux, et qui créent dès l'été 89 ces espèces de groupes de réflexion qui sont en train de devenir des clubs. Et il y en a partout. Et il y en a de toutes les opinions possibles et imaginables, parce qu'il n'y a pas que des clubs patriotes, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement révolutionnaires. Il y a des clubs qui sont hostiles aux réformes, qui seront des clubs contre-révolutionnaires. Bon. Et ça va durer comme ça, que ça va exploser vraiment 1789. 1790, les clubs les plus contre-révolutionnaires vont être éliminés. 1791, et ça c'est un point important, la loi Le Chapelier interdit en définitive de garder ces clubs, ces organisations, et il y a cette espèce de creux absolument important qui va durer un an ou deux, où la vie politique locale est un peu muselée. Et ça reprend 1793 avec la convention qui a besoin de toutes ces sociétés qu'on va appeler des sociétés populaires. Mais le virage, et ça c'est extrêmement important, le virage c'est le printemps 1794, quand Saint-Just lui-même estime que dans ces clubs il y a des militants qui ne sont là que pour le pouvoir, et il va y avoir la fin déjà programmée des sociétés populaires, le contrôle complet par les par le gouvernement, par l'État, par la Convention, et puis évidemment, à partir de 1780, fin 94 et 95, le refus de ces clubs et de ces sociétés. Donc c'est une histoire fragmentée, c'est une histoire extraordinairement complexe, où tout a été mêlé ensemble. Des interventions comme ça, des clubs organisés, des sociétés en définitive qui étaient des rouages. Voilà, et c'est de ça dont nous avons hérité. Merci Jean-Clément Martin de cette chronologie, de ce résumé, mais c'est toujours très très bien en début d'émission de rappeler les différentes phases. Non, mais c'est vrai, c'est essentiel parce que pour la Révolution française, nous sommes sur un temps court, c'est quelques années, mais alors avec une intensité d'événements. Eh bien, écoutez, suivant ce que vous nous avez dit, nous allons repartir à cette première étape. Attention, Louis XVI ouvre les États généraux. Moi, Louis XVI, roi de France, par la grâce de Dieu le Très-Haut, je déclare ouverte la séance des États généraux. J'espère en votre sagesse pour mener à bien ces travaux. Oui, sire, bien sûr, nous ferons notre devoir, toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France. Voilà, les États généraux, hein, par Claude-Michel Schoenberg. Ah, bah, la Révolution nous offre tout, tout, tout. Swing. Ah, ça swing avec la Révolution. Annie Duprat. Vraiment, dans cette réflexion sur l'organisation politique, si j'utilise le mot parti, je sais que je suis un peu anachronique, sur cette organisation politique de la France, Jean-Clément Martin rappelait combien l'ensemble du territoire est concerné avec les États généraux. Mais par définition même, c'est le cas. Déjà, aux États généraux, peut-on assister à une organisation, à des regroupements qui seraient là le germe des premiers partis? Alors, il y a des regroupements par affinité, bien évidemment. Ces gens-là se connaissent, hein, pas tous, mais en particulier, on dit toujours, et c'est vrai, que le tiers-État était représenté par des gens, des juristes. Bon, mais ce que l'on ne dit pas, qu'on oublie, c'est que ces juristes étaient souvent fils d'exploitants agricoles. Vocabulaire un peu anachronique, mais ça veut dire que ce sont quand même des gens qui, chacun dans leur région, ont un réseau de relations, un réseau de reconnaissance. Ils arrivent à Versailles, évidemment, avec un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que de logement. C'est assez amusant. Ils se logent à Paris, comme tout le monde. Ils vont se loger à Paris, mais ça coûte cher, ils trouvent pas de logement. Bref, on discute. Et on discute, et on discute aussi des affaires de l'époque. Ils sont là pour ça. Alors, il y a effectivement des regroupements par affinité, et puis le club des Jacobins qui se crée juste à ce moment-là va leur donner une force, une forme, pas réglementaire, ce n'est pas le terme, mais enfin un autre lieu de regroupement qui lui, pour le coup, est à Paris, pardon. Je voudrais juste revenir sur quelque chose, une chose à laquelle j'ai pensé en écoutant cette chanson que je ne connaissais pas, qui est très amusante, c'est que les États généraux. Alors, les États généraux, quand même, la campagne électorale, si on peut dire, hein, a été assez brève, tout s'est passé très très vite, mais surtout, dans chacune des paroisses, il y a eu des discussions. Et dans chacune des paroisses, les femmes ont voté aux États généraux, elles se sont exprimées. Et on le voit ensuite, au fur et à mesure des différentes élections, la Révolution, c'était des élections pratiquement tout le temps, hein, enfin très souvent en tout cas, les femmes n'ont plus le droit de vote, sauf les chefs de famille, les veuves, etc. Mais elles n'ont plus le droit de vote. Or, quand vous lisez les écrits minutieux, par exemple, de Bernard Guénot, dans son livre 1799, Un nouveau jacobinisme, vous voyez, il est allé voir les archives dans un certain nombre de départements français, et il donne ce que les gens disent, et en particulier, ben, y a des femmes qui arrivent pour voter. Et on leur dit, ben non, vous n'avez pas le droit de vote, puis ils finissent par discuter, et puis elle a toujours juges ont voté avant, c'est pas maintenant, voilà. Donc, moi, je dis ça parce que c'est pas massif, évidemment, mais c'est important. On ne peut pas dire, de la même manière qu'on ne peut pas dire froidement, c'est la naissance des partis, on ne peut pas dire froidement, les femmes sont exclues de la vie politique, parce que elles sont exclues dans la loi, évidemment. Mais entre la loi et la réalité, il y a toujours l'intervalle de ce que les gens en font. Et les gens, et les femmes en particulier, elles se laissent pas compter, elles s'en laissent pas compter. Alors, on connaît un certain nombre de noms, mais le livre de Guédon, moi, m'avait beaucoup passionnée parce que je voyais des tas de choses que j'ignorais et que l'on continuera à ignorer, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais c'est la réalité quand même de la vie d'un pays. Oui, cette réalité est très importante, Annie Duprat, parce que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les affaires d'État sont mes affaires de cœur », lettre de Rosalie Julien, une femme dans la Révolution, 1775-1810, publié chez Belin. Voilà, la date 1775-1810 nous montre la chronologie, elle traverse cette période-là, c'est une femme qui écrit, qui prend parti. Alors, bien sûr, la loi ne lui donne pas les moyens de s'exprimer par le vote. Malgré tout, elle s'exprime. C'est ça qui est intéressant aussi dans notre réflexion sur la notion de parti politique. Et l'intérêt avec Rosalie Julien, alors en préparant cette émission, j'ai découvert, et ça m'a beaucoup amusée, que, et j'imagine que peu de gens le savent, le département de France où il y a le plus de sociétés populaires, c'est la Drôme. 267 sociétés dans le département de la Drôme. C'est quand même très étonnant. Et j'ai véritablement été toujours intriguée quand je lisais Rosalie Julien de la voir ne pas parler des clubs. Or, elle mange la politique jour et nuit, elle ne parle que de politique. Mais elle, c'est l'Assemblée. Elle passe sa vie à l'Assemblée, et même quand les femmes sont, non pas chassées, mais enfin interdites d'aller dans certains espaces de l'Assemblée, elle continue à aller ailleurs. Hein. Elle dit, bon, oui, je continue. Elle ne met pas en cause du tout ce qui se passe, du moins tant que c'est les Montagnards, hein, parce que Rosalie est très très engagée. Mais elle ne parle pas des clubs, et je crois que là, il y a, et vous l'avez dit dans votre présentation, il y a la sacralité du vote. Les députés sont élus. Alors peut-être pas avec les votes des femmes, bien sûr, mais ils sont élus. Donc leur parole est plus importante que la parole des clubs. Alors ça tombe bien, il y a pas mal de clubs qui sont en parallèle de l'Assemblée, mais il y a aussi, il y a toutes les variétés de clubs. Hein. Et puis tous les clubs de petits patelins de province, ou petits patelins, petites paroisses, petits villages hein, de province, où on va pas forcément parler de politique, mais on en parle quand même parce que derrière ce qui se passe dans les clubs et à l'Assemblée, faut jamais oublier la presse. Or, la presse, c'est l'explosion de la presse révolutionnaire, de la presse tout court, révolutionnaire en particulier, mais ils répondent, hein, ils se lisent, ils se répondent, etc. Jusqu'en, effectivement, la chronologie de Jean-Clément Martin, hein, jusqu'en 92, où là, il y a quand même un premier arrêt. Et ces journaux, on en discute dans les clubs, et puis ils sont parfois placardés sur les murs. Et quand en 68 on disait les murs ont la parole, eh ben oui, mais en 89, 90, etc., les murs avaient aussi la parole. Et Vincent Cuvelier, ou Laurent, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, vient de faire une thèse là-dessus, hein, sur l'affichage. Donc pendant cette période révolutionnaire, qui est extrêmement importante. Et puis dans ces affinités que vous évoquez, Annie Duprat, il y a bien sûr des affinités politiques, on l'entend bien aux états généraux, on va aller plutôt vers ceux qui partagent les mêmes opinions. Il y a les affinités d'origine, vous l'avez dit, Jean-Clément Martin. Aux états généraux de 1789, nous sommes à Versailles, il arrive des gens venus de toute la France qui discutent, ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Non mais voilà, l'affinité bretonne est un élément important dans notre réflexion aujourd'hui. Oui, alors vous avez raison, mais est-ce que c'est vraiment les chapeaux ronds ou est-ce que ce n'est pas aussi le fait que les députés bretons du tiers-état ont été tellement choqués, d'abord d'avoir, pour certains, de ne pas avoir pu participer aux élections du second ordre de la noblesse parce qu'ils se croyaient nobles et qu'on les en a chassés, et qu'ensuite que les députés nobles n'ont pas voulu, eux, être représentés à Versailles. C'est-à-dire que les Bretons, il y a une radicalité bretonne immédiate qui fait que c'est peut-être pas le vent ou la pluie bretonne qui ont fabriqué les mentalités, mais qu'il y a bien quelque chose qui est né là. Et bon, moi j'ajouterais quand même que derrière le club breton, le Chapelier, il y a aussi Mirabeau. Donc il y a vraiment une organisation derrière, une machine, comme aurait dit François Furet, mais ça on peut pas dire que ça n'existe pas complètement, et qui fonctionne. Je voudrais d'un mot, alors est-ce que Nantes est en Bretagne? Ah, on sait pas, mais en attendant, le 22 janvier 1791, vous allez me pardonner cette petite anecdote, mais un des révolutionnaires nantais demande à l'Assemblée du Club des Amis de la Constitution, donc les Jacobins, d'accueillir sa fille. Bon, sa fille qui a 17 ans. Et elle est accueillie dans une assemblée dans laquelle il y a 47 femmes. Ce qui est quand même important. Et la question qui est débattue, je cite la question qui est mise à l'ordre du jour pour le dimanche suivant, je cite, « Quelle est l'influence de l'opinion des femmes sur le civisme des hommes ?» Alors je trouve ça beau, et en même temps ça montre bien aussi, et là je rejoins complètement ce que disait Annie Duprat, c'est ça montre bien aussi les limites de l'importance que les femmes peuvent avoir dans l'ensemble de l'organisation de la vie sociale et politique. On leur accorde une place, on ne leur accorde pas toute la place. Et il n'y aura finalement que le club des citoyennes révolutionnaires républicaines qui oseront, elles, affronter tout cela en réclamant d'être armées, etc. Mais pour la grande majorité, j'allais dire la quasi-totalité des femmes investies en politique, ces femmes n'osent pas, quelque part, on peut le dire comme ça, n'osent pas demander d'être les égales des hommes. Là, je pense qu'il faut vraiment le dire simplement. Eh bien, allons faire justement un petit tour à la Société des Amis de la Constitution, autrement dit, au Club des Jacobins. Ah, Dieu qui fait m'en vivre! Petite Sophie, nous ajouterons le bonheur dans la Déclaration des Droits de l'Homme. Je vais aux Jacobins, me ferez-vous l'honneur de m'y accompagner? Écoutez des discours! Quel beau divertissement! Avec votre permission, c'est à mademoiselle Judith que je m'adressais. Ça te changerait un peu, Judith. Tu devrais aller aux Jacobins au lieu de rester ici enfermé à longueur de journée. Je n'ai pas envie de changer. Venez donc avec moi. Vous entendrez votre oncle et Robespierre. Et un nouveau venu d'une grande ardeur, Fouché. Ah oui, il y a du beau monde au Club des Jacobins. C'est dans le film Blanc, Bleu, Rouge de Yannick Andrieu en 1981. Jean-Clément Martin, comment passe-t-on d'un club breton, on va dire, et vous nous l'avez très bien expliqué, hein, de certains qui sont mécontents de leur statut social et qui vont profiter des états généraux pour faire entendre leur voix, à un club, celui des Jacobins? Oh, alors là, par une succession de mutations qui continuent, qui fait que ce club des Amis de la Constitution, qui va changer de nom continuellement, hein, je ne vais pas tous les énumérer, qui va s'appeler Club des Jacobins quand ils vont s'installer dans le couvent dit des Jacobins, mais avec des changements de composition interne continuels. En 89, ça, ils accueillent les patriotes aisés, parce qu'il faut quand même payer assez cher ces 25 livres de mémoire, la cotisation annuelle, pour en faire partie. Puis ça s'adresse aux gens qui sont des parleurs, enfin, qui sont engagés dans les assemblées. Bon, donc on n'est pas du tout dans un club entre guillemets populaire. Et puis il va y avoir des éliminations. Bon, on interdira que des gens comme Mirabeau puissent continuer à en faire partie. Il va le quitter. Ensuite, en 91, il va y avoir la grande scission entre ceux qui veulent garder les Jacobins contre la présence du roi à la tête de l'État, qui resteront donc les Jacobins. Et puis les autres qui deviennent les feuillants, qui sont majoritaires d'abord et qui deviennent minoritaires, et qui font cette scission. Après, en 92, dans ces Jacobins, il y aura l'opposition entre ceux qu'on appelle traditionnellement les Girondins et les Montagnards. Et puis dans l'été 94, il y aura là aussi une autre division où on verra que Fouché, Tallien et les autres prennent le pouvoir dans le club contre Robespierre, jusqu'à le chasser, et à la fin, septembre 94, à dire que les Jacobins, il faut les supprimer. Donc... Mais dans cette histoire des Jacobins, c'est voilà, la censure robespierriste, je ne sais pas. C'est au moment de la chute de Robespierre, c'est Jean-Clément Martin qui a la voix coupée. Annie Duprat, j'en profite. Comment fonctionne un club? Parce que Jean-Clément Martin nous disait, voilà, une phrase est discutée, une idée. C'est comme ça, en fait. On se réunit, on discute autour d'un sujet. Alors... Il n'y a pas univocité, hein. Pardon, c'est pas un mot français ça. Bref, il y a autant de fonctionnements qu'il y a de clubs, je pense. En tout cas, moi, ce que j'ai pu lire dans les articles, en particulier de Boutier-Boutry que je citais en début d'émission, il parle de ce qui s'est passé dans les petites provinces, en particulier du Sud-Est, qui sont les provinces où il y a le plus de clubs, et c'est beaucoup très informel. On arrive un peu comme dans les bureaux de vote de Guénaud, dont je parlais aussi. Les gens arrivent et puis ils ont envie aussi d'en découdre, hein, ce qui fait qu'on finit par voter l'interdiction d'avoir des armes, et les armes en question, c'est simplement le gourdin. Quand vous êtes à la campagne, vous avez souvent un gourdin, bon ben là, il faut les poser à côté. C'est très très vivant tout ça. Et on voit, pour revenir sur l'idée première de l'émission, la notion de parti. Ce sont des partisans, ce sont des gens qui ont des idées à développer. Mais il n'y a pas de, véritablement, ça ne se construit que très très lentement, il n'y a pas une charte à laquelle il faut se référer, même si pour les Jacobins et pour d'autres il faut payer, pour la plupart il ne faut pas payer, vous arrivez, c'est très très libéral. Et il y a une notion qui est importante aussi à évoquer, c'est est-ce que ces clubs ont permis l'acculturation ou la politisation ? C'est deux choses qui sont proches, mais quand même différentes. La politisation, la France, on dit encore aujourd'hui, la France est un pays très politique. Et je crois que c'est vrai. Et c'est un pays très politique parce que c'est un pays aussi dans lequel l'histoire n'a jamais été faite uniquement par les gouvernements ou par les élus. Mais beaucoup par les gens, je pense à la Fronde en particulier. Enfin, aussi bien à Bordeaux qu'à Paris, il se passe plein de trucs partout, tout le temps. Les gens prennent la parole tout le temps. Et donc pendant la Révolution, on va pas se taire, évidemment. Surtout, c'est la Révolution. Donc ça, c'est de la politisation, mais de cette politisation ne sort pas un sentiment. Sortent plusieurs sentiments. Alors bien sûr, il y a arrêt avec Robespierre, il y a quand même un peu des continuations, mais ça, disons que la Révolution a perdu son souffle. Et le terme d'acculturation, acculturation politique, me paraît beaucoup plus fort, parce que cela permet aussi aux gens de frotter les opinions, de discuter. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'énervement, hein. J'imagine des violences, enfin, j'imagine pas, elles existent, mais aussi l'écoute. Les deux vont toujours ensemble. Et c'est également le problème de la présence des femmes et du fait que ces femmes décident de créer des clubs elles-mêmes. Et ça, c'est très très intéressant. Si nous prenons le cas de Rosalie Julien, Annie Duprat, là, nous avons vraiment quelqu'un qui a une conscience politique, mais qui se forme. Alors, bien sûr, nous évoquons les clubs, il n'y a pas que les clubs. Elle assiste aux séances de l'Assemblée, oui. Et puis il y a toutes les discussions. En fait, c'est cette effervescence. Et la presse, et Rosalie Julien lit énormément. Et pendant le directoire, elle est moins à l'Assemblée, c'est plus difficile, mais surtout, elle lit encore plus. Elle est abonnée à plein de choses, elle abonne ses amis, elle dit « je vais t'abonner à... ». C'est extraordinaire. Vraiment. Et à partir de tout ce qu'elle peut lire, eh bien, elle se construit. Alors, à la fois des idées politiques, mais elle a aussi la capacité de porter ses idées. C'est pas tout d'avoir des idées, faut savoir les défendre. Les défendre. Alors, elle les porte. Il faut dire aussi par son mari, hein. Son mari est député, donc ça aide quand même à être au courant de tout et à diffuser. Mais elle reçoit aussi beaucoup, hein. Chez elle, elle dit qu'elle a reçu le député untel, Robespierre en particulier, la petite famille Robespierre d'ailleurs, le frère, la sœur, enfin, et Maximilien. Mais elle écrit aussi, et là c'est publié, hein, on le trouve sur internet facilement, à Valence, à la société je sais plus comment elle s'appelle, des intellectuels de Valence, pour être toute une lettre. Où elle écrit, voilà, ce qu'elle pense. Et ça, ça se fait beaucoup aussi. Avant la Révolution, j'ai parlé de Madame d'Anville, parce que c'était son mari qui était là, et ça discutait énormément. Ça discutait énormément. Et bien sûr, au moment de réfléchir à la place des femmes dans la Révolution, un nom surgit comme une évidence, c'est celui d'Olympe de Gouges. Non mais c'est vrai que bien souvent, l'on réduit la présence féminine dans la Révolution à un nom, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dis femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? Un mépris plus marqué ? Un dédain plus signalé ? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Marion Malenfant, dans le cours de l'histoire, qui lisait cet extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges en 1791. Annie Duprat, alors je disais que Olympe de Gouges bien souvent résume l'action des femmes sous la Révolution sans rien lui retirer de son action, parce qu'elle est essentielle. Il ne faudrait pas qu'Olympe de Gouges masque ce mouvement presque général en fait. Et c'est peut-être ça qui est au cœur même de la Révolution, qu'elle touche tous les citoyens et les citoyennes. Voilà, exactement. Et là, avant ce texte d'Olympe de Gouges, mais Olympe de Gouges, il faut la lire, hein. Tous les textes ont été publiés aux éditions des femmes au moment du bicentenaire. C'est extraordinaire. La qualité, alors, à la fois du style, mais de la pensée. Il n'y a pas que la déclaration des droits de la femme qu'on vient d'entendre, hein. Mais Olympe de Gouges, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit. Mais il me plaît à parler quand même d'une femme qui a été victime de la Révolution, qui s'appelle Théroigne de Méricourt. Alors Théroigne de Méricourt, dès janvier 90, donc un an avant la déclaration de la femme, hein, des droits de la femme, fonde, alors avec des hommes, parce qu'évidemment c'était plus facile, en particulier Lantenas, qui a été ministre en quelque sorte de l'opinion publique, il fonde le club des Amis de la Loi, mais Amis IES. Donc c'est un club qui se veut être un club de femmes, féminin bien sûr, et qui offrira une tribune politique qui n'est pas réservé aux femmes, parce qu'il y en a d'autres qui sont des clubs non mixtes, comme on dirait aujourd'hui. Et le travail de Théroigne de Méricourt, janvier 90, ça s'arrête très vite. Le club est arrêté en avril 90, donc ça ne dure pas très très longtemps. Et elle essaye après d'entrer au club des Cordeliers, qui est le grand club un peu dynamique. Alors elle ne demande pas de voix délibérative, mais une voix consultative simplement. Mais elle est rejetée. Et on lui a fait d'abord un bel accueil, et puis elle est rejetée et elle finit par être, donc elle peut pas entrer au club des Cordeliers. Et j'ai noté, parce que quand même, le gentil Camille Desmoulins, on aime bien Camille Desmoulins, le gentil Camille, la gentille Lucille, dans les révolutions de France et de Brabant, il écrit « L'Assemblée a suivi les conclusions du président, qu'il serait voté des remerciements à cette excellente citoyenne pour sa motion. » Quand ça commence comme ça, c'est toujours mauvais, hein. « Qu'un canon du concile de Mâcon ayant formellement reconnu que les femmes ont une âme et la raison, comme les hommes, on ne pouvait leur interdire d'en faire un si bon usage que la préopinante. » Qu'il sera toujours libre à Mademoiselle Théroigne et à toutes celles de son sexe de proposer ce qu'elle croirait avantageux à la patrie. Donc tout ceci est parfait. Mais que sur la question d'État, si la demoiselle Théroigne sera admise au district avec voix consultative seulement, l'Assemblée est incompétente pour prendre un parti et qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Parti. Ouais, mais, voilà. Mais c'est enveloppé, c'est extraordinaire. Là, véritablement, la puissance intellectuelle. Alors, il y en a eu d'autres. Et il y a une femme que j'aime bien, qui n'est pas une révolutionnaire. Enfin, si. Voilà, Louise de Keralio. Louise de Keralio, c'est une femme qui est une intellectuelle, qui écrit, qui traduit, qui publie, etc. Et qui a participé à un club, justement, qui a été évoqué par Jean-Clément Martin tout à l'heure, la Société des Républicaines, Fraternelle Républicaine, je ne sais plus dans quel ordre ça se place. C'est un club non mixte. Mais Keralio, elle n'y est pas longtemps. Et ce club est un club très très actif, non mixte, et qui explique bien. Alors là, on y trouve Claire Lacombe, on y trouve Pauline Julien, et c'est un club très très actif qui ne va pas durer non plus très très longtemps. Si j'évoque Keralio, c'est parce qu'elle est peu connue et dans les mémoires de Madame Roland raconte quand Keralio revient de la pétition du Champ de Mars, elle est avec son mari, le journaliste François Robert, et Madame Roland les décrit, alors elle les reçoit chez elle parce qu'elles sont fatiguées quand même, puis il y a eu les tirs, hein. Elles se sont enfuies du Champ de Mars, et mais elle les décrit un peu comme des fous, des gens quand même les cheveux sortis du bonnet, etc. Ce qui montre quand même, on n'est pas dans le même milieu. Et aujourd'hui, les deux femmes que l'on célèbre dans les programmes scolaires, c'est Olympe de Gouges et Madame Roland. Il y en a plein d'autres. Louise de Keralio, toutes ses œuvres sont sur Internet. Hein. Bon, et elle est morte en exil, etc. Voilà, il y en a plein d'autres. Et puis Claire Lacombe et Pauline Julien. Et puis avec ces clubs féminins, et c'est très intéressant hein, de voir cette participation et ces écrits. Vous avez raison, Annie Duprat, de souligner que ces écrits sont là. Ils sont maintenant assez facilement accessibles, absolument, notamment à Gallica, le site numérique de la Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, club et société populaire, la révolution prend parti. Nous conserverons le roi par pure naissance. Le peuple fera la loi par toute la France. Lui seul enfin régnera et pour toujours il aura le pou-pou-pou-pou, le pouvoir, le pou-pou, le pouvoir, le pouvoir suprême et le diadème. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Dans l'effervescence de la Révolution, tout le monde prend parole, hommes, femmes, des clubs s'organisent, mais pas seulement. Jean-Clément Martin, je ne sais pas si ce sont les thermidoriens qui sont intervenus pour vous couper la parole. En tout cas, vous êtes là avec nous. Et Annie Duprat évoquait hein, ces clubs féminins. Mais il n'y a pas que cela. Ce qui est passionnant sous la Révolution, ce sont ces identités de clubs. Les hommes, les femmes, plus ou moins alors révolutionnaires, voire modérés, et pourquoi pas des jeunes. Oui. Oui, oui, vous avez raison. Il y a eu des clubs de jeunes. Et ça, c'est assez peu connu. Alors, pour reprendre, je vais revenir encore l'exemple nantais. Où en février 1791, on parle de la Société des Jeunes Amis de la Constitution. Et la devise est « La vertu n'attend pas le nombre des années ». Voilà, au moins tout est dit, la vertu n'attend pas le nombre des années. Vous avez une communication qui nous vient directement de 1791-92. C'est assez éloigné, Jean-Clément Martin. Non, mais cette idée-là qui vient d'être évoquée par Jean-Clément Martin, cette idée de vertu est une idée extrêmement complexe. Et aujourd'hui, nous le saisissons bien, la vertu au cœur du monde politique, d'ailleurs, n'est même plus évoquée. Non, mais c'est vrai que ces réflexions que l'on voit développer, pourquoi obéir au roi? Parce que c'est le roi, il n'y a pas de souci. Pourquoi obéir sous la Révolution? C'est cette vertu. Il faut être bon citoyen, bonne citoyenne. Annie Duprat, nous sommes étonnés encore aujourd'hui en regardant la qualité de la réflexion politique sous la Révolution. Oui, et vous avez employé le terme de vertu. pendant la Révolution, et aussi bien, tout à l'heure, je me suis trompée, c'est pas Pauline Julien, c'est Pauline Léon, les deux enragées, car elles font partie de ce qu'on appelle les enragées, des femmes extrémistes, avec Pauline Léon était le mari, était l'épouse de Leclerc, le député Leclerc, le journaliste Leclerc. Ce sont des gens qui vont penser la société, alors à la fois en termes de famille, en termes de sexe, et d'accord avec des réunions non genrées, comme on ne disait pas à l'époque, comme on dit aujourd'hui, parce que elles disent il faut la nouvelle référence, c'est la société, c'est le nouveau Dieu, c'est la vertu. Mais vertu à la fois au sens romain du terme, au sens de la force, au sens du courage. Le roi, pourquoi pas, mais pas plus que ça. Et donc c'est en cela qu'elles sont extrêmement puissantes. Mais quand elles créent la société des républicaines révolutionnaires, nous sommes en 1793, ça dure tout de suite 5-6 mois. C'est interdit ce club, et elles finissent par l'une comme l'autre repartir dans leur foyer. Les débats étaient pas seulement, mais beaucoup, des débats matériels. Parce que souvent aussi, dans la délibération, on renvoie les femmes à leur foyer, parce que les femmes s'occupent évidemment de l'approvisionnement, de l'alimentation. Elles ont la charge de leurs enfants. Ce n'est pas simple, cet aspect domestique du rôle de la femme n'est pas négligeable. C'est la vie, tout simplement. Et aujourd'hui, où nous sommes à parler beaucoup des problèmes de blé à travers le monde, eh bien, on voit bien à quel point toutes les grandes idées, elles s'arrêtent quand l'estomac est vide et quand on ne peut pas le remplir. Donc, cette puissance de la présence des femmes, même si elle a été réduite systématiquement, et où les hommes les ont interdites systématiquement, parce que ils avaient peur. Pas tous les hommes, hein. Il y a un certain Charlier qui a pris la défense des républicaines révolutionnaires jusqu'au bout, hein, même quand elles sont interdites. Mais ça, c'est très très important. Et il y a une autre donnée qui est très importante aussi pendant la Révolution, à laquelle on ne prête pas assez attention. C'est la crise frumentaire, c'est la disette qui était cause au départ et qui, après 94, et en particulier en 95, si les citoyennes envahissent la Convention et coupent la tête, c'est pas une citoyenne, c'est un homme qui a coupé la tête du député Féraud, mais quand même, elles réclament du pain et la Constitution 93. Mais c'est le moment, et Pierre Cernat a fait un texte qui est sur Internet aussi facile à trouver, où il montre à quel point c'était dramatique. Les gens se suicident, les femmes se jettent dans la Seine avec leurs gosses dans les bras. Donc ça, c'est une... La Révolution, c'est pas que des idées. Voilà, c'est des idées face au réel. Et le parti, pour dire ce mot générique, pour couvrir le club et les associations, ce n'est pas simplement discuter des grandes idées. Voilà. C'est aussi discuter du quotidien. Mais c'est en cela que la notion de parti est intéressante. Jean-Clément Martin, Annie Duprat vient d'évoquer comment certains clubs féminins, notamment, ont été interdits. La notion du contrôle de ces organisations est très importante. Il y a cette loi célèbre, la loi Le Chapelier de 1791, qui interdit les corporations, pour le dire simplement, et qui a une incidence aussi sur la vie politique. Oui, parce que ce qui est interdit par la loi Le Chapelier, c'est toute représentation. Il n'y a que de rapport direct avec les institutions. Et c'est vrai que il faut le considérer aussi comme une loi qui interdit toutes les corporations, tous les syndicats ultérieurement, et qu'il faudra casser. C'est ça qui a été contourné. Mais ce que j'aimerais dire en changeant un petit peu d'optique, ce qui se passe à partir de 1792-1793, c'est aussi le refus de la majorité des conventionnels, qu'il y ait des réclamations qui viennent des, ce qu'on appelle à ce moment-là, les enragés, dans lesquels il y a effectivement les citoyennes républicaines révolutionnaires, et parmi les revendications de ce club, une des revendications qui n'est absolument pas supportée, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Il va y avoir un refus quasiment global des hommes de la Convention et aussi des sans-culottes, et paradoxalement aussi, une opposition des dames de la halle, qu'on présente toujours comme ayant été celles qui sont allées chercher le roi en octobre 89, c'est vrai, mais en 1792, elles ont réclamé les messes de Noël, en 1793, elles chassent des marchés les citoyennes révolutionnaires qu'elles fouettent, et elles participent à ce mouvement de refus de la mutation politique des mœurs. Enfin, il y a quelque chose là qui est extrêmement complexe et qui marque tout le pays, je dirais, pendant le siècle qui suivra. Jean-Clément Martin, vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université Paris, hein, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de La nouvelle histoire de la Révolution française, publié chez Tempus. Et puis de La Révolution n'est pas terminée. Hein, c'est composé. La Révolution n'est pas terminée. Mais c'est un beau titre, ça, parce que vous venez d'évoquer cet écho du moment révolutionnaire, en tout cas de la prise de parole politique sur un temps beaucoup plus long. Malgré tout, peut-on dire que ces quelques années révolutionnaires du début de la Révolution 89, 90, 91, 92, 13, 14, eh bien, c'est un moment dans notre histoire où il y a une liberté de parole, où dans les clubs, dans les sociétés populaires, des choses ont pu être dites qui allaient au-delà de toute limite possible. Tout était imaginable, tout pouvait être verbalisé. Ah oui, oui, on peut le dire comme ça. Mais je dirais aussi, parce que là, on a l'impression d'une liberté acquise, mais aussi, c'est fondé. Annie Duprat parlait tout à l'heure de la crainte de la disette. Elle avait parfaitement raison. Tous ces gens, hommes et femmes, sont aussi très mobilisés parce que ils sont devant l'inconnu. Dès 1789, ils craignent pour leur vie et donc ils sont littéralement poussés parce que les cadres généraux de la société ont été mis à mal, voire totalement abolis, et que non seulement il y a une liberté, mais il y a la nécessité de recréer. Et c'est dans cette nécessité de recréer qu'on élabore des projets, qu'on prend des positions, et qu'il va y avoir des groupes qui vont être plus ou moins, comme on dirait aujourd'hui, avancés, et des groupes qui, au contraire, vont refuser. Bon, vous allez me pardonner de revenir à la contre-révolution d'Ouest, mais ça vous étonnera pas. À partir de 1792, si les avancées politiques et institutionnelles ont été acceptées au sud de la Loire ou dans la majorité de la Bretagne, où il y a des clubs révolutionnaires de femmes. C'est la thèse de Solène Mabot récemment qui l'a montré. Il va y avoir aussi un refus, notamment de la part des hommes et des femmes, un refus des mesures religieuses et une mobilisation des femmes contre les nouvelles lois édictées par la Révolution à partir de 1791. Donc il y a bien cette mobilisation qui est générale et qui crée des militances, on peut dire ça comme ça, beaucoup d'hommes bien sûr, mais je redis encore, de femmes contre-révolutionnaires, on les trouve, c'est les Charlottes de Lyon, organisation clandestine aussi de femmes à Paris, on les connaît bien. Donc il y a tous ces mouvements qui se mettent en place, qui annoncent effectivement ce qui va durer pendant deux siècles, et encore aujourd'hui, bien sûr. Jean-Clément Martin, vous êtes l'auteur des Vendéens, Les Vendéens, publié aux presses universitaires de France, parce que ce moment en Vendée est très important pour comprendre ce dont on parle. Annie Duprat, vous parliez que oui, les gens avaient faim, donc manger, c'est une préoccupation du quotidien. Il y a la guerre aussi, cette guerre civile en Vendée, puis la guerre extérieure. Dès lors, un discours prononcé à la barre de l'Assemblée nationale par Claire Lacombe. Nous sommes le 25 juillet 1792. Législateur, vous avez déclaré la patrie en danger, mais ce n'est pas assez. Destituer de leur pouvoir ceux qui seuls ont fait naître ce danger et ont juré la perte de la France. Pouvez-vous laisser à la tête de nos armées ce perfide Catilina, excusable seulement aux yeux de ceux dont il a voulu servir les infâmes projets ? Que tardez-vous pour lancer le décret d'accusation contre lui ? Attendrez-vous que les ennemis, à qui tous les jours il fait livrer nos villes, arrivent dans le Sénat pour le détruire par la hache et le feu ? Vous n'avez qu'à garder encore quelques jours un coupable silence, et bientôt, vous les verrez dans votre enceinte. Il en est encore temps, législateurs. Élevez-vous à la hauteur qui vous appartient. Nommez des chefs à qui nous puissions donner notre confiance. Dites un mot, un seul mot, et les ennemis disparaîtront. Marion Malenfant qui disait ce discours de Claire Lacombe, révolutionnaire. Nous sommes en juillet 1792. Annie Duprat, vous êtes professeure émérite d'histoire à l'université, CY University, l'université de Cergy. Et dans cette lecture que vous avez de la Révolution avec Jean-Clément Martin, aujourd'hui nous discutons et presque naturellement les femmes sont venues au cœur du propos, tant nous sentons qu'elles sont essentielles à la vie politique de la Révolution. Et bien souvent, elles ont été oubliées. Oui, alors elles ont été oubliées parfois par manque d'archives aussi, il faut bien le dire. Hein. Surtout, et ça correspond à ce qu'on vient de dire, elles sont pas dans l'esprit, voilà, dans l'esprit, dans la tête. Rosalie Julien, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, je me demandais, mais au fait, est-elle féministe ? Non, elle n'est pas féminine. Elle, féminine, elle l'est parce qu'elle parle de ses enfants, etc. Mais elle parle toujours de la mal-vertu. J'ai discuté avec un professeur de lettres qui me dit, mais si tu analyses son vocabulaire, c'est un vocabulaire masculin. Elle est vraiment pour elle, voilà. Et elle ne conteste pas la convention, le fait qu'il n'y ait pas de droit de vote aux femmes. Elle le conteste pas. Elle ne l'évoque même pas. La puissance, c'est ça. C'est, voilà. On peut être une femme et ne pas être féministe. Et il y a une petite chose que je voudrais dire quand même, c'est que parmi, avec les citoyennes républicaines révolutionnaires, elles ont eu le souci de défendre les prostituées. Au moment où la Convention et la Commune de Paris essayaient de se débarrasser des femmes de mauvaise vie, elles ont pris la défense des prostituées, évidemment ça a échoué, mais ça me rappelle que avant 89, enfin au moment des états généraux, il y a eu un cahier du quatrième ordre où il y avait les femmes, les prostituées, et ça c'est des archives de l'époque qu'on a quand même un peu oublié. Non mais c'est surtout ça, merci en tout cas à vous Annie Duprat et puis merci beaucoup Jean-Clément Martin d'avoir donné tant d'éléments de réflexion sur cette mise en place de la prise de parole politique, la prise de parole de ceux, de celles qu'on n'entend pas souvent. Merci vivement à tous les deux, mais pour le moment nous poursuivons notre réflexion historique, mais cette fois-ci avec Gérard Noiriel, car c'est l'heure du pourquoi du comment. Les intellectuels existaient-ils au Moyen-Âge ? Nos dictionnaires nous enseignent que le mot « intellectuel » vient d'un terme latin qui signifie « discerner, connaître, comprendre, concevoir ». Dans cette perspective, on peut dire que les intellectuels sont des individus qui exercent une activité fondée sur l'usage de l'intelligence. Dans un livre pionnier paru en 1959, l'historien Jacques Le Goff a inauguré l'histoire sociale des intellectuels au Moyen-Âge en regroupant sous ce terme les individus vivant dans des villes, ce qui excluait le milieu monastique, et dont le métier était de penser et d'enseigner la pensée. Cette définition, qui a été critiquée car elle peut sembler trop restrictive, a eu le mérite d'attirer l'attention des historiens sur les transformations qui se sont produites en Europe à partir du XIIe siècle. Pour Jacques Le Goff, Pierre Abélard peut être considéré comme le premier intellectuel de l'ère moderne parce que, plus qu'aucun autre érudit de son temps, il a réclamé l'alliance de la raison et de la foi. Professeur appointé par des familles aristocratiques, Abélard a acquis une renommée à travers tout l'Occident en tant que penseur à la fois rigoureux et non conformiste. Partisan de l'éducation des femmes, il a fondé en 1131 le Paraclet, la première abbaye obéissant à une règle spécifiquement féminine qui est devenue un refuge pour les femmes savantes. Bien que plusieurs de ses ouvrages aient été condamnés pour hérésie, Abélard a aussi joué un rôle essentiel dans l'extension du statut de clerc à l'ensemble du corps enseignant et étudiant. Grâce à lui, le premier collège échappant à l'autorité épiscopale a été inauguré en 1110 sur la montagne Sainte-Geneviève. Quelques décennies plus tard, est née sur le même site la Corporation des maîtres et des étudiants, point de départ de l'Université de Paris. Celle-ci a été officiellement reconnue par le roi Philippe Auguste dans la charte du 15 janvier 1200. 15 000 à 20 000 étudiants fréquentèrent cette université au XIIIe et XIVe siècle. Ce dynamisme explique que les universitaires aient incarné, à partir de ce moment-là, une nouvelle figure de l'intellectuel pour lequel le livre est un véritable instrument de travail. C'est dans leur université qu'ils inventèrent alors cette manière d'enseigner et d'étudier qu'on appelle la scolastique. Les problèmes et leurs réponses s'exposent sous la forme de questions suivies d'un échange d'arguments favorables ou défavorables à la thèse qui est discutée. Ces quelques remarques ne doivent pas nous faire oublier, malgré tout, que parler des intellectuels au Moyen-Âge, sans préciser le sens donné au mot, est un anachronisme, car ce terme, utilisé comme substantif, n'existait pas à cette époque. Il ne s'est imposé dans la langue française qu'à la fin du XIXe siècle, pour désigner les écrivains, les artistes et les savants qui mobilisèrent leurs compétences pour dénoncer l'injustice dont avait été victime le capitaine Dreyfus. L'intellectuel devient alors un personnage public qui mobilise ses compétences pour tenter de convaincre ses concitoyens que les causes qu'il défend sont justes et légitimes, ce qui ne signifie pas qu'il ait toujours raison. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yara, une émission préparée par Anne-Toscane Vudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Les autorités occupantes ont décidé l'arrestation et le rassemblement d'un certain nombre de juifs étrangers. Ils étaient enfants quand la police française est venue les arrêter chez eux, avec leur famille, ce jeudi de juillet où il n'y avait pas école. Perrine Kervran. Désormais nonagénaire, ils n'ont pas oublié cette rafle du Veldiv et ils nous racontent ce crime organisé par l'État français et comment ils y ont survécu. On frappe à la porte chez mes grands-parents avec une grande violence. Ouvrez, police. Les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. La rafle du Veldiv, un crime français, par Alain Lefkovitch, LSD, la série documentaire. 8 épisodes déjà disponibles sur franceculture.fr et l'appli Radio France, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.